9. JP. Allô? Ben voyons, JP, tu te réveilles pas, t'as une émission de radio. Ah, non, attends 5 minutes. Ben oui, assemblage requis. Juste 5 minutes, Mathieu. Non, t'as pas 5 minutes, on vient déjà de passer genre 2 heures à rien faire. Oh. À dormir. Réveille-toi, là, puis on start ça. Hein? OK. Ben. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Alexandra Carignan sera en studio pour parler d'art et spectacle dans le temps d'une culture. On apprendra beaucoup trop de choses sexy dans la chronique Ose Kinky Sexy Time. Et on listera des données pertinentes dans le segment sur Foutu Palmarès. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 14 janvier 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Bonjour! Salut! À peine réveillé. Moitié. Ouais, c'est ça. Moitié. Depuis un petit bout quand même. Un peu trop, en fait, longtemps. Oui. Ouais. Cette nuit, bien pour toi. À courir. D'abord, puis l'autre, ceux qui ont mis leur alarme ce matin assez fou pour se réveiller avant 7h15, ben désolé. Hein. Ouais, ça n'a pas marché. On s'en excuse. Pourtant, j'ai tout fait. Ah, c'est ça. J'ai tout fait. On espère que les gens se réveillent passé 7h, sinon vous avez peut-être une job le matin dans une station de radio. Genre. Ou un problème d'insomnie. Genre, ça peut arriver ça. Ou d'autres choses. Ou d'autres. Sur un enfant. Oui. Ça, je vous plains tellement. Mais bon, c'est un choix de vie, bravo. Chacun pour soi. C'est ça. Aujourd'hui, à l'émission, on a Alexandra Carignan qui va être avec nous pour sa chronique Le Temps d'une culture. C'est à 9h, sa chronique d'art et spectacle. On va parler sûrement d'impro et d'art visuel, si je me fie à l'habitude. Oui. C'est ses choses préférées. autour de ça, la chronique Kinky Sexy Time qui va débuter l'émission tantôt. On va en faire, je pense, peut-être même 2 blocs aujourd'hui. Mais ça va peut-être. Ça va me pimper, ça. Te pimper, hein? Ça va me pimper pour la journée. Pas te pomper, là. Non, pimper. OK, c'est quand tu portes un gros chapeau mauve à poêle. Exact. Comme toi, t'es à poêle et t'as un chapeau mauve. Pas un chapeau oui, mauve. C'est ça. Mathieu, je t'ai déjà dit de pas me dire. De pas dire à tout le monde que je suis tout nu. Bon! C'est mon petit dada. Outrage. Tous les matins. C'est un peu mouillé, je trouve, en ce moment, quand t'es tout nu. T'as les poils qui. Mathieu, tu me passerais-tu un petit peu de sauce? Oui, Un petit peu de sauce. OK, OK, oui, un peu de sauce. Oui! Toutes les pets sont sauces ce matin, je pense. Attends un peu que je me sauce le pet. Non, ça, c'est je me sauce l'orteil, je pense. OK. Hey, on va-tu n'importe où à matin? Autour de ça aussi, là, j'avais déjà commencé ma phrase par autour de ça il y a 5 minutes, mais autour de Kiki Sexy Time, il va aussi y avoir son foutu palmarès. Aujourd'hui, je vous ai préparé dans son foutu palmarès. On a parlé hier de films, on a parlé de traduction française de films américains. Exact. C'était bizarre un peu. Aujourd'hui, c'est les titres de travail de 14 films hollywoodiens. Parfait. Donc, des films qui ont porté un autre nom avant de sortir pour différentes raisons, que ce soit pour protéger les vedettes. Ça va être cool. C'est tantôt dans son foutu palmarès. Mais on va débuter en musique avec une chanson très appropriée pour ce matin qui ressemble à un gros bain d'eau. Genre. Ben oui, je m'en suis même pas rendu compte, je pense. Ah non, qui mouillait, puis non. Tous tes cheveux sont naturellement mouillés le matin parce que tu prends ta douche le matin. Exact, c'est ça. Voici Bathtubs de Royal Canin. Comme un gros bain mouillé. C'est ce que j'ai pris ce matin. Pet sauce. Ouais. Eh, bonne émission. Eh, hey, merci. We've had our time, we've seen it all. Ce matin. Oui, c'était Royal Canoe. Royal Canoe. Hey, non seulement bathtub, c'est une baignoire avec de l'eau dedans, mais en plus, Royal Canoe, tu mets ça où, un canot? Ben dans le Royal. Ah non, en avant du Supercé. Le canoë. Le bar. Le bar, le canoë. Sur Saint-Maurice. Ben, pour donner pas tes références. Non. Moi, un canoë, j'ai ça par chez nous, chez mes parents. OK. Ça a fermé. Deal de coke. Deal de coke, pour de vrai. Ça a fermé à cause de deal de coke. Mais si tu t'appelles ton bar le canoë, potentiellement, c'est un bar de cocaïne. Ça vient de là pas mal, je pense. Ça commence par C. C'est ça. Comme cocaïne. Cocaïne, voilà. Ça me semble évident. Ou encore, si on était des gens qui savent pas écrire, Kinky Sexy Time. Je me demandais ouais, comment ça allait finir tout ça. Pas sûr de mes liens. On m'a félicité de mes liens l'autre jour, puis non. Pas sûr. Pas cette fois-ci. Donc, c'est Kinky Sexy Time, la chronique osée qui s'adresse à un public plus ou moins averti. Vous êtes averti dorénavant, parce que je viens de le faire. Oui. Vous êtes comme les coquets au canoë, si vous entrez là. Vous savez que c'est ça qui arrive. Là, c'est de la diffamation. Ça fait deux jours de suite que je fais de la diffamation. Il faut me retenir. Ah. Pas bon, ça. Au collège Skidmore, d'accord, il y a un guide sur comment se toucher soi-même, se faire plaisir, si on veut, qui était posté dans les salles de bain du campus pour que les étudiants puissent le lire. J'imagine pour leur dire, tu sais, si t'es pour faire ça, ben fais pas ça sur les murs, puis fais pas ça à terre, puis c'est glissant, c'est comme une peau de banane. Ouais. Je sais pas si ça colle, genre, en dessous des souliers. À la place d'avoir une gomme en dessous du soulier. Ah! J'ai du... Viens du... Viens du quoi? Viens du... Un rhinocéros. Oui. Est-ce que je peux utiliser un mot médical comme éjaculer? Oui. Le rhinocéros peut éjaculer 10 fois pendant une session de sexe qui dure environ une demi-heure. Souvent, okay. Ça peut durer une demi-heure et il peut éjaculer 10 fois. Eh bien, bon appétit. Une fois en 3 minutes, finalement, si je comprends bien. C'est une bonne moyenne à abattre, comme on dit. Ouais. Rhinocéros. Rhinocéros. Tamakeri. C'est quoi un tamakeri, tu penses? J'aime ça, poser oui, ça. Je... Oui, c'est un peu comme un harakiri. OK, ça, c'est quand tu te poignardes dans le ventre? Oui, mais avec un zoui-zoui. OK. Ah, c'est pas une petite bestiole que tu tiens dans ta main puis tu dois y faire des affaires sexuelles, genre un tamagotchi, mais sexuel. C'est ça. Non, tamakeri, c'est un fétiche japonais où les hommes aiment se faire botter dans le petit paquet. Ah, bon, tu vois, j'étais pas loin. Hey, post-Canada, post-Canada. Bah! La vie sodomie, c'est quoi, tu penses? Là, c'est là que t'espères avoir des petites enveloppes à bulles. Parce que tu te fais frapper dans le petit paquet. Je m'excuse, j'étais vraiment à retardement. Non, j'aime ça, c'est bon. Fait que tu disais? La vie sodomie, c'est un humain, une personne, finalement, qui fait des relations sexuelles avec un oiseau. Un quoi? La vie sodomie, un oiseau. La vie sodomie. La vie à tous. La vie à tous. Oui. Sodomie, par ici. si tu te sentais malade au 19e siècle, ton docteur aurait pu te prescrire une dose de temps seul avec un objet sexuel. Et ça, c'était pour les femmes. Donc, okay. On leur prescrivait, on leur disait, ben tiens, allez chez vous et occupez-vous de vous-même avec ce jouet. Wow. Quand t'étais malade au 19e siècle. Bonne petite journée de congé, ça. Reste au lit, prenez beaucoup d'eau, puis ceci. C'est du dos. Tu regardes les feux de l'amour. Oui. Ton objet. Tu relaxes dans un bathtub. C'est ça. Lorsqu'un pingouin mâle tombe en amour avec la femelle du pingouin, il va chercher toute la plage au complet, il va parcourir la plage pour trouver un petit, tu sais, les petites pierres, là, les petites billes, si on veut, là, qui ressemblent à des petits bijoux, comment dire, des colliers, c'est des petits bijoux. Des coquillages. Des coquillages. Donc, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur d'une huître, là, la petite perle. Une perle. Perle. J'ai sorti avant toi. Oui, quand même. C'est moi qui t'ai donné la réponse. Mais oui, mais là, t'as dit une petite perle. Une petite perle. Est-ce que tu veux dire une perle? Oui. Oui. Mathieu, est-ce que c'est le mot que tu cherchais? Et le sondage donne. Donc, cherche la petite perle. Il cherche la petite perle parfaite pour sa femelle. Oh. Faites ça aussi pour votre femelle. Ouais. Romantique. C'est plus romantique que l'appeler femelle. Oui. Lorsque les filles juives ont leur première règle, elles se font gifler par leur mère. C'est la tradition dans la culture. Ah ouais, t'as tes règles, toi! Ça t'en prendra. C'est ça, ça t'en prendra une en face. Qu'est-ce que l'érotophobie? Héros. Ouais. Héroto. Bien sûr. C'est comme un rotoculteur. Fait que c'est de driller vraiment profondément Les varins. Aïe, Caroline, non. J'ai une chance que non. L'érotophobie, c'est la peur des questions sexuelles. Bah, c'est ça. C'est ça. Comment qu'on fait les enfants? Un rotoculteur. Un rotoculteur dans maman. Le record pour la plus longue distance, on revient aux éjaculations de Toronto. Mais là, on parle pas de rhinocéros, on parle de l'humain. Combien tu penses que c'est de longueur le record de la plus longue éjaculation? Longueur 2 mètres. Colin, tu me dis 100 mètres, 2 meters in feet. Ça veut dire que tu penses que c'est 6 pieds et 6. C'est bien ça? 6 pieds 6 environ. Moi, maintenant. D'accord. Non, c'est 18,9. Wow! Oui! C'est beaucoup? 18, on va le traduire. 18,9 feet in meters. Si j'étais pas comme à l'envers sur mon clavier, ça irait oui, super. Oui, ça irait bien. Hein? 5,7 mètres. Mais le gars, il y a une bonne parabole. Une bonne parabole. Oui, parce qu'il a fallu... Ouais, mais s'il y a une instruction sur le mur qui dit de ne pas viser la bolle quand tu touches. Fait qu'il n'y a pas de parabole. C'est à côté de la bolle. Bon. Non, dans la bolle. Mon erreur. Sûrement dans la bolle. Parabole. J'aime le mot parabole. Donc, 18,9 pieds. Ensuite, la philémaphobie. Qu'est-ce que c'est la philémaphobie? Philéma. Fil dentaire. ceux qui aiment les craques d'un dents. Oh, wow! Ça aurait été cool. Drôle de fantasme, mais OK, je peux accepter. Mais j'imagine. Ça se peut. Non, philémaphobie, c'est la peur de s'embrasser, d'embrasser quelqu'un d'autre. Gros câlin, gros bisous. Ça ressemblait à ça. Oui, vraiment. C'est très réussi. L'engin féminin. OK. Agrandi ou prend de l'ampleur entre 15 et 20 %. Ça, on l'a déjà établi, même que je pense que j'ai dit ce fait-là plusieurs fois dans Kinky Sexy Time, mais 15 à 20 % de plus de grandeur à différents moments. Mais ici, ce qu'on précise, c'est 15 à 20 % plus gros le 14e jour de votre cycle de menstruation. Ah. Ce qui fait que l'endroit, le clitoris, est encore plus sensible au 14e jour du cycle des règles. Bon, intéressant. Tout ça à savoir quand est-ce qu'est le jour 1. Et voilà! Ah ben ça, il faut connaître sa copine pour le savoir. Ou sinon, il va te le dire. Denver, au Colorado, c'est la ville la plus sexuellement active aux États-Unis. Man. Ouais. Et Jacksonville, en Floride, la moins active. Ah, tu vois, avec pas... un nom de même. Genre Jacksonville. Jacksonville? T'es à Jackie, c'est oui. Bien Jackie. C'est vrai? Ouais. Ça aurait pu. Je sais pas. Une chose que j'ai pas demandé, les villes, parce que là, t'avais un choix assez... oui, quand même. Assez extrême. Le pourcentage des gens qui utilisent des annonces des annonces genre classées, Sears. Si on veut. Sears. Ah oh non, OK. Des annonces Sears. Je pensais que t'allais là-dessus. Là, oui, je pensais que t'allais là-dessus. Mon Dieu. Chacun ses fantasmes. Le pourcentage de gens qui utilisent des annonces classées pour trouver quelqu'un d'autre, OK, mais qui sont déjà mariés, ces gens-là, c'est les gens qui cherchent des annonces. Quel est le pourcentage de gens qui cherchent quelqu'un d'autre dans les annonces classées, mais qui sont eux-mêmes mariés? Okay. Je vais y aller par élimination. Okay. C'est en bas de 50%. Oui. C'est en bas de 25%. Non. Ah! Quand wow, c'est ça commence. Beaucoup! À Price is Right, là, t'as juste une minute de pêche. En bas. 34. Plus haut. 42. Plus bas. 37. Plus bas. 36. Puis bas. 35. Oui, bravo! Wow. Ding, ding, ding, ding. Big winner! C'est ça. Tu gagnerais un divan. J'ai tellement pas gagné. Et une bouteille 35 de Clorox. C'est oui. Beaucoup. 35% des gens qui servent d'annonces classées sont déjà mariés. Selon une statistique, évidemment. La plus grosse famille du monde réside en Inde. C'est un homme avec, évidemment, ses 39 femmes, mm-hmm. Pour continuer le cliché hein, ouais. Chez les Indiens. Donc, 39 femmes et 94 enfants. Ouais, c'est ça, j'allais dire minimalement un enfant par femme. Oui. 39. C'est ça, la tradition quand même. Et sûrement que les enfants ont peut-être des enfants aussi. Donc, je ne sais pas s'il y a des petits-enfants. Non, peut-être. Ça dépend de l'âge de tout le monde là-dedans. Au Moyen-Âge, un enfant qui avait les cheveux roux, on disait qu'il avait été conçu lors de relations sexuelles malpropres ou pendant les menstruations. C'est ce qu'on disait. L'enfant est roux à cause des menstruations. Pauvre roux. Pour vrai, moi, sérieusement, ça me dérange, ça. Pas les roux, là. Est-ce qu'on parle contre les roux, ça me dérange. Parce que les roux, c'est... Oui, en effet, mais oui. Oui, oui. Oui, oui. je vais l'avouer, c'est number one, you know. Ensuite, l'hémétophilie. Qu'est-ce que c'est, l'hémétophilie? L'héméto, ça, c'est quand tu te limites. OK, ouais, j'aurais dû dire que c'est à l'apostrophe hémétho, mais vas-y, c'est pour la blague, c'est mieux de dire l'hémétho, vas-y. OK, c'est quand tu te limites, t'as peur de te limiter, t'as peur d'y aller trop petit. OK. non, du tout, en fait. Hémétophilie. C'est le fétiche où tu regardes quelqu'un vomir. Prendre une gorgée de café. Ouais, prendre une petite gorgée. est toujours aussi chaud ce café-là. Hey, c'est l'enfer. Ces tasses-là, il est chaud pendant 3 minutes, genre, au temps de la chaise galerie. Mais t'as-tu vu, je pense que c'est Steph qui a publié ça, comme quoi le café, il est tout le temps, genre... lave, trop froid. C'est ça, exactement. Il n'y a pas d'entre-deux. Non, tu peux pas y arriver. C'est pour ça que je prends un verre pour emporter, ça se conserve. Ensuite de ça, le troïlisme. Qu'est-ce que c'est le troïlisme? Ça, c'est quand t'aimes ça de faire troller. Sur Internet, genre? Oui. Les commentaires désobligeants. Oui, mais là, c'est sexuel. Parce que c'est kinky. Ah oui! Fait que t'aimes ça de te faire troller pendant que tu le fais. Parfait. Non, le troïlisme, c'est l'intérêt sexuel. C'est de regarder son partenaire romantique, donc son copain, sa copine, avoir un comportement sexuel avec un tierce parti, avec une autre personne. C'est t'aimes ça, regarder ça. Troïlisme. C'est spécial. Mais hein, pas sûr que... Je connais pas grand monde, en tout cas, qui aimerait ça. Il y a plus d'un demi-million de personnes aux États-Unis dans une relation polyamoureuse, ce qu'on appelle la non-monogamie éthique, ethical non-monogamy. Donc, c'est polyamoureux. C'est sûr qu'ils ont plusieurs personnes dans leur vie, mais pas nécessairement des mormons et plusieurs femmes, mais c'est une personne qui a plusieurs copains ou copines, et où, l'un ou l'autre, et où. Voilà. Non-monogamie éthique. Voilà, c'est le mot. Un dernier dans le premier bloc, on passera à un deuxième bloc kinky tantôt. La somnophilie. Qu'est-ce que c'est, la somnophilie? Ça, c'est quand... OK. Somnambule. Oui. C'est clairement quand tu dors. Ça a rapport avec le sommeil, oui. Ouais, le sommeil. T'aimes ça le faire quand tu dors? Caroline, oui. Mais... C'est exactement ça. C'est quand les gens font l'amour alors qu'ils dorment. Somnophilie. Merde. Je sais pas si ça peut être une passion, étant donné que fille, c'est comme... C'est une passion pour vous, dormir. Tu fais comment pour avoir des relations et rester éveillé, mais dormir? Mais je comprends pas celle-là. C'est une relation à sens unique, je pense. C'est ça, c'est non monogame. Oui. Voilà pour une première partie de Kinky Sexy Time. On prend une petite pause musicale. OK. Une bonne pause musicale. Par contre, c'est temps qu'à en prendre une, aussi bien se concentrer et en prendre une que de l'allure. Relaxer. Relaxer. Tu sais, mettons avec, relaxer. Quelque chose de relax, mettons. Quelque chose, c'est pas trop violent. C'est ça que tu veux me dire. Mm-hmm. Mettons, tu sais, je te dirais quelque chose comme Bajaboulat. Oui, ça pourrait être bon, ça. Qui est quand même assez calme dans sa personne. Hein? On s'en va entendre l'extrait du palmarès anglophone. C'est Tall Tall Shadow tout de suite. À Assemblage Rookie. Mais je parlais pas. Non, t'as raison, tu parlais pas. Mais les gens de la maison parlaient. Ah! J'ai comme t'entends? Troisième sens. Maman, je veux des céréales! Ça rendra pas. Écoute une chanson. Be true, I'll be gone. You're only fooling yourself. No life that you can't live in, tear it apart. Your old confession made in the dark. Now every hour, change of heart. You're running away, but the shadow is yours. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi matin du 14 janvier 2014. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Ah oui! En direct des studios, c'est fou, toi. Oui, en direct. De Trois-Rivières. Trois-Rivières City. La seule ville avec une station universitaire de qualité supérieure, avec des animateurs qui sont deux gars le matin, avec un qui a beaucoup de cheveux. Puis là, okay. C'est la seule. Mathieu, c'est lourd. C'est un peu lourd. Hein. Je vais mettre ça au feu, feu follet. David et les bois. Allez, lance l'enfer. David et les bois et feu follet. Feu follet! OK. Feu follet! Feu follet! C'est Kinky Sexy Time! Non, c'est feu follet! Bon! Oh. Hey. C'est la deuxième partie de Kinky Sexy Time. On commence avec un fait assez absurde sur le fait qu'il y a un site web qui est dédié aux fétiches des seins qui rebondissent. C'est vrai ça. Donc les femmes qui sautent et font rebondir leurs seins. Tout simplement. Il y en a plusieurs. Là, j'ai trouvé boobsbouncing.tumblr.com, qui est un Tumblr évidemment. Donc c'est des beaux petits gifs animés. C'est très très osé, même que ça me surprend que ça soit encore en ligne sur Tumblr parce qu'on a sûrement des conditions d'utilisation. Ah. Bon, vous les tchins. Nini. Dinini. Tant mieux. Donc, un gros fétiche des seins qui rebondissent, je te dirais que c'est très facile. Comme fétiche en série, elle est très original. Bravo. On est à la base. C'est ça, je pense que tout le monde a ce fétiche-là, en fait. Non. Ben, ça peut être aussi des gars. Avec le paquet qui moigne. Oh, oui, oui, oui. Ça peut faire mal, par exemple. Ben, les seins, ça doit faire mal. Je sais pas. Je peux pas. On le sait pas, on est des garçons. Dites-le nous. Appelez-nous. 819. En 1952, le premier numéro de Playboy a seulement vendu 50 000 copies. Et seulement? Seulement 50 000 copies, c'est pas plus. C'est plus que d'autres, en ce moment. C'est plus que bien d'autres choses. Qui, ouais, genre qui sont là depuis trop longtemps. Des journaux locaux, mettons, là, ça se vend pas à 50 000. Ça, une femme de 27 ans a été condamnée, en fait, arrêtée pour possession de drogue quand on a trouvé 54 sacs d'héroïne dans son... en 2011, dans son trou. Ah ben ouais. 54 sacs d'héroïne, ça dit pas quelle quantité d'héroïne il y avait dans chaque sac. Mais... c'est quand même... quand même, c'est beaucoup. C'est ça. Les coccinelles sont vraiment, disons, kinky, osés quand même. Ils ont le plus haut taux de maladies transmissibles sexuellement de tous les insectes. Ah. Les coccinelles... Ben, juste aller regarder, ils ont toute la cape rouge. C'est ça. Puis après, le petit bouton. C'est très bon. Papi, je pensais que t'allais dire qu'ils étaient gentiment bien arrangés, ils courent après. Tu sais, comme les gens qui parlent tant contre les filles qui s'habillent. Ah, mais tu sais, ça, c'est pas correct. Faut pas faire ça. Parce que c'est pas parce que tu t'habilles sexy que tu veux te faire violer. Non, c'est ça. Bref. Le mot pornographie vient du grec, qui faisait à l'origine référence à ce qui était écrit par les prostituées. OK. Les prostituées écrivaient des choses qu'on appelait de la pornographie. La moitié de la longueur de ton engin masculin est à l'intérieur de ton corps. La moitié. Eh bien. Manger du yogourt probiotique, ça pourrait augmenter la fertilité chez les hommes, selon une étude du yogourt probiotique. Je m'en allais là-dessus. C'est ça. 3 hommes sur 1000, donc 0,3% des gens sont assez bien membrés pour pouvoir se faire eux-mêmes une fellation. Ouais. Sans s'enlever de côte. Sans s'enlever de côte et en se rendant jusqu'à l'orgasme. Wow. 0,3% de chanceux. On les salue. Oui. au Royaume-Uni, on vend typiquement... c'est là qu'on vend de plus... Attends un peu. C'est ça, le plus de bonnets, de brassières, le plus gros. Donc au Royaume-Uni, c'est là qu'il y a les plus gros seins. Ouais, alors qu'au Japon, c'est là qu'on retrouve les plus petits seins, donc les plus petites grandeurs de bonnets, de brassières. Bonnets. La cacophobie. Qu'est-ce que c'est la cacophobie? Je vais parler pour François Landry. François Landry, d'accord. Le monsieur Logocratie 101, jeudi à 8h30 à partir du 23 janvier. Oui, c'est quand tu fais... C'est quoi, cacophobie. OK, c'est quand t'arrives plus à faire l'amour parce que tu penses juste à François Legault. La cac. La cac. C'est drôle. Caco. Ben, je sais pas, ça pourrait avoir Est-ce que ça peut sens? Être du bruit? Caco? Cacophonie? Non, c'est même pas le bruit. Ah. Oh. Non, c'est bizarre. Je pense que dans cacophonie, je pense que c'est le phonie qui fait que c'est un son. T'as raison. C'est alors caco, ça va être multiple. Ouais, peut-être multiple. Okay. Ouais, je pense que t'as raison. Je pense que t'as raison. J'ai pas en effet la définition. Mais cacophobie, c'est la peur de quelque chose qui est laid. Ah, OK. OK, fait qu'on déconstruisez les mots vous-même. Ouais. 75% des hommes de 18 à 23 ans auraient des relations immédiatement avec un étranger si on leur offrait. OK. Si l'étranger arrivait, hey, veux-tu un... Ah ouais, OK. Trois quarts. Wow. Trois quarts. Mais ça, c'est ce qu'ils disent, là. Dans la vraie vie, je suis sûr qu'il y a la moitié qui choke. Ah, genre, c'est ça. Ah, je vais pas faire ça, je suis fidèle. Oui, c'est ça. Je suis marié. Non, je suis un chien. qu'est-ce que la... et là, évidemment, c'est des termes en anglais que je fais juste dire en français. Qu'est-ce que la jacitation? Jacitation. J-A-C-T-I-tation. Jack. Jack, OK. C'est parce que c'est quand t'es excité à écouter le film Titanic. Et puis que Jack est dedans. Je peux-tu te dessiner tout nu? Jack, arrête, t'es coquin. Jack, citation, c'est quand t'es excité parce que tu te vantes de tes exploits sexuels. OK. C'est un peu la même chose, finalement. Ouais, pareil. Comme Leonardo DiCaprio, finalement. Dans son auto. Dans son auto, ah ouais. Ah ouais. la bio-énergétique nous dit que un climax, OK? La différence entre un climax et un orgasme. Un climax, c'est la contraction du muscle génital, alors que l'orgasme, c'est la contraction du corps entier. Donc, si tu veux savoir la différence entre climax et orgasme, climax, juste le muscle génital. Orgasme, au complet, le corps. Voilà. Intéressant. Selon les psychologues, le soulier et le pied sont la source de fétichisme la plus répandue dans la société occidentale. Je trouve ça plate. Moi aussi, je trouve ça plate. Vraiment très, très, très, très, très plate. C'est comme basic. C'est comme, qu'est-ce que tu veux sur ta toast? De la margarine. Qu'est-ce que tu veux sur ton hot dog? De la margarine. Qu'est-ce que tu veux comme fétiche? Des pieds. Des pieds. Mais non, je suis pas d'accord, par exemple, avec les toasts. Là. Parce que des fois, quand je veux me gâter, je prends des toasts à margarine. C'est vraiment bon. Mais c'est le choix par défaut, t'sais. Ouais, mais là, c'est pas un choix par défaut, les pieds. C'est comme des chips nature. Ta musique, Marianne Thibert. J'aime ça, les chips nature. J'aime ça, Marianne Thibert. Voyons donc, elle est pas du tout calcophobique. Ok, Mathieu, j'aime les pieds. T'as les pieds. J'aime les chips nature, puis j'aime les métaux à margarine. J'aime les pieds à margarine. Bon, oui, juge-moi pas. J'aime ça, des pieds graisseux. C'est comme le petit cochon graisseux, sauf que je cours après le pied. Mmh. C'est génial. Mmh. Bon. Puis là, après ça, tu descends dans les marches, puis là, tu débrouilles. Fetlife.com. Ah, visite okay. Ça. Fetlife.com. F-E-T. Faut chasser là. Ah, ouais, ouais. F-E-T-L-I-F-E. Tu me diras ce que t'en penses. C'est le plus grand réseau social pour les gens qui ont des fétiches. Mais fétiches, là, at large. Et là, tu vas pouvoir, j'imagine, me nommer des catégories de fétichisme qu'il y a sur fetlife.com. F-E-T-L-I-F-E.com. Tu sais, sinon, je m'y rendrai en premier. C'est comme tu veux. OK, c'est bien parti. C'est la communauté, entre autres, BDSM. Donc, Sado, Mazo et trucs comme ça. C'est gratuit, sécuritaire. Vous pouvez vous inscrire avec 2 623 000 utilisateurs. It's free! It's free! It's a cur. Ça dit pas vraiment les fétiches. Your kinky friends. Oh! Are they here? Oh, wow! Tous vos amis kinky sont déjà là. Oui. Fait que, allez, c'est une belle façon de se faire des nouveaux kinky friends. Oh! Oui! Malade. Wow! Fetlife.com, site de fétichisme. Ensuite, qu'est-ce qu'un... moi, je sais pas, je vais te demander un Sibian. Est-ce que tu sais c'est quoi un S-Y-B-I-A-N? Un Sibian? Sibian. Ouais, ça c'est dans Star Trek. C'est les créatures. Ah oui? Un Sibian. Non, je sais pas. Genre, OK. Je me suis dit, si j'ai l'air un peu convaincu. Ah oui, OK. Ah oui, ben oui, les Sibian. Ouais. Mm. Ou ça pourrait être les troqueurs aussi, mais les troqueuses qui servent d'un Sibian. Oui. Un Sibian, oui, mais sont lesbiennes, fait que c'est Sibian. Ah oui. Ah, oh, Mathieu, quand tu parles comme ça, tu fais ça Sibian. Ah! Ah! Muy bien! Bravi, c'est bon. Donc, un Sibian, c'est un appareil utilisé surtout par les femmes pour la stimulation sexuelle. Donc, c'est un siège qui ressemble un petit peu à, tu sais, sur un cheval, une selle. Une selle. Une selle. Et c'est un moteur électrique. Donc, c'est Sibian, moteur électrique. OK. Pour femmes, pour se stimuler. Seulement, donne-moi, tu sais, le pourcentage de gens qui sont confortables, dans le fond, dans le fait de dire à leur amoureux, amoureuse, exactement ce qu'ils veulent au lit. Oh, je suis sûr que c'est pas tant que ça. Mmh. Pas tant que ça. Mmh. 37%. Plus haut. Ah, merde. 52. Plus haut. Ah, 72. Plus bas. 67. Plus bas. 62. Il est plat, ce jeu-là. Plus bas. 61. Plus bas. 58. Oui! Ah! Hey. Direct dessus. Comment est-ce que les gens font pour aimer ce jeu-là à Price is Right? Il est juste vraiment plat. Non, mais il est excitant quand t'as genre 30 secondes pour deviner comme 6 articles. Ouais, oui, ou quand il y a plusieurs personnes. C'est ça, genre. Pour jouer. Ça peut être là. Donc 58%. Des gens qui sont à l'aise de dire moi je veux ça. Ouais, moi je veux faire ça de ce bord-là. Par avec le. Sur le. Dans le. Puis combien de ces personnes-là étaient pactées? Ah! Ça dit pas combien qui ont pris de l'alcool, 58%. Oui, c'est ça. Apparemment, un homme qui a 3 jours de barbe est plus sexuellement attirant qu'un homme fraîchement rasé. Ah ben. 3 jours de barbe. Fait que faites votre barbe le vendredi, pas le dimanche comme moi. T'sais, moi, j'arrive pour commencer la semaine frais rasé le lundi, puis après ça se dégénère. Mais c'est le jeudi hein, qu'on voit ça, le line-up. C'est devant, devant le bureau. Ça arrête plus. C'est pour ça je fais 2 émissions le jeudi. Là, oui. le matin et l'après-midi, c'est vraiment la barbe est là. Ouais. Ensuite, tiens, ah, je vais te demander encore des pourcentages. On a beaucoup de kinky aujourd'hui, on dirait qu'on a rien que ça à faire. Les hommes et les femmes qui ont dit des mensonges pour avoir des relations sexuelles, pourcentage chez les hommes et les femmes qui ont dit un mensonge pour avoir des relations. OK, chez les hommes, 100%. Selon un sondage qui a sûrement été fait par une femme oui, envers les hommes. Les hommes, je dirais 71. Non, plus bas, beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas, 37. Oh, plus bas un petit peu. Encore? Hey, bullshit. Non! 20. Ah, à moins que ce soit la culture là, qui m'induit en erreur. Peut-être. Ou c'est peut-être ton expérience personnelle. Peut-être 23. 34% des hommes. 34. Mais pour les femmes, c'est plus bas encore. Beaucoup plus bas. 4. Non, 10. Bullshit. Bullshit! Ah, selon le sondage, là, n'importe qui peut répondre n'importe quoi à un sondage. Oui. Tiens, le comportement homosexuel, on retrouve ça dans 1500 espèces. OK. Et l'homophobie. Seulement dans une seule espèce, devine laquelle? Les humains. L'homophobie, il y a seulement les humains qui font ça parce que c'est complètement normal dans 1500 espèces d'animaux. Et intéressant. Une étude psychologique qui nous suggère que quand tu es célibataire, tout ce que tu vois, c'est des couples heureux. Et quand tu es en relation, tout ce que tu vois, c'est des célibataires. Des gens célibataires heureux. Heureux. Exact. La loi de Murphy, ça. Exact. Oui, Murphy. Ensuite, seulement parmi, les adolescents et adolescentes avec une expérience sexuelle derrière eux, 70% des femmes et 56% des hommes disent avoir eu une première expérience avec un partenaire stable. Donc, leur première expérience sexuelle était avec un partenaire avec qui ils ont été longtemps. Okay. Donc, pas une aventure d'un soir. 70% pour les femmes, 56% pour les hommes. Combien de pourcentage de femmes ont dit qu'elles auraient des relations avec leur copain-copine pour que cette personne-là fasse le ménage ou les tâches ménagères? Pourcentage de femmes. Que les femmes, que les femmes auraient des relations sexuelles pour faire des tâches ménagères, faire ça à leur copain-copine. 52? 84. Wow! Tout le monde presque ferait ça. Pas trop. Bon, on s'en va direct là, mais après ça... Tu fais le lavage du poil. Puis... Oui. Figging. F-I-G-G-I-N-G. Puis là, j'ai juste envie de faire Figging! Figging! Figging like a diamond. Figging like a diamond. C'est une des deux, je pense. C'est quoi? Figging. F-I-G-G-I-N-G. Figging. Je sais pas. Non, Figging Molly. Ça, c'est flagging. C'est quand tu insères un morceau de gingembre sans peau, de gingembre frais, dans la luche, le rectum, dans le trou, dans l'arrière. Figging. Il y a des termes pour absolument tout. Moi, j'aurais appelé ça un ginger snap. C'est un commentaire en bas. Je peux prendre le crédit de la glace dans les commentaires. Mais est excellente. Ginger snap. Ça. Ensuite, le filching. Bon, mais là, c'est quoi? Ça va être une carotte? Fishing! Ok, ça c'est un petit peu plus dégueulasse pour le matin. Je devrais sauter des affaires comme ça, mais en même temps, il n'y en a pas d'autres chroniques qui s'excitent, mais pour le matin, c'est le même c'est ça. Okay. C'est comme ça. Donc, le filching, c'est la pratique sexuelle où du sperme ou n'importe quel autre liquide est enlevé de l'appareil sexuel féminin. Ou celui d'en avant ou d'en arrière par un partenaire. OK. Quand tu aspires le liquide. L'erotic lactation, lactation érotique, j'imagine qu'on pourrait dire, c'est être excité sexuellement quand t'es adulte en te faisant pas allaiter, mais en toi-même, en étant la personne qui allaite l'autre personne. Non, allaiter, c'est quand tu montes ton sein à ton enfant. Puis c'est le contraire. C'est quand tu veux. Ah oui, OK. Sur le sein de. Ouais. Ça. Tu veux faire le sein de là. C'est ça, ça okay. T'excite. Wow. Ça t'excite. De se faire allaiter, si on peut dire ça ainsi. Ouais. Je pense qu'on pourrait dire comme ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu spécial comme mot. Ouais, ouais c'est comme ça, tu veux le dire à l'autre part. Mais... Ouais, ça engage une action. C'est pas de l'erotic lactation, c'est pas toi qui va le faire à l'autre, c'est l'autre qui veut te le faire à toi. Ah, ouais. Bref, c'est vraiment compliqué. On comprend. Dans la tête. Ouais, c'est ça. L'éphébophilie. C'est la, ouais, est-ce que t'as un nom? C'est la préférence sexuelle pour des adolescents entre 15 et 19 ans. Donc, quand même, c'est pas de la pédophilie, c'est de l'éphébophilie parce que t'es en tant que tel dans les règles, mais t'aimes ça jeune, genre limite. Si on 15 à 19 ans. Le dipoldisme, c'est être excité sexuellement en te faisant donner la fessée. Okay. Ou en appliquant une punition corporelle à un enfant. Dipoldisme. Dipoldisme. Léopoldine, si on dit Léopoldine, si on dit l'anglais, c'est Léopoldine. Ouais. Et finalement, une personne normale ou moyenne, disons, va passer environ 600 heures à avoir des relations sexuelles entre l'âge de 20 et de 70 ans. 600? Entre 20 et 70 ans. 600 heures. OK. Le blitz est parti. Tout doit disparaître. Le petit chronomètre dans le bas de votre... Voilà pour un énorme blocking sexy time. On avait beaucoup trop de contenu. Ben quand même. J'aime ça. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Deux chroniques en même temps. Tel les couilles de quelqu'un qui a... Hein? As-tu vraiment dit ça? Peut-être. Ah, ouais. Wow! J'aurais jamais pensé que t'allais dire ça de même, ça! Ouais. Ou si tu veux aller encore plus loin, moi, ça me rappelle, tu sais, le jeune pervers du coin, là, qui amène... qui veut se vider dans sa caravane. Dans sa caravane. La caravane de Bradycardie, ouais. Celle-là était vraiment trop, là. Ah, je vais réfléchir à tout ça, moi. Ouais. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Toujours à Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées en ce mardi 14 janvier 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. La date est jamais sûre, on dirait. Non, hein? Je lève les 2014. Yeux. 2014. On dirait que c'est rough. C'est je, rough. J'aime 2014. Il y a trop de syllabes dans 2014, c'est ça le problème. 2013, ça sonnait bien, ouais. Je trouvais. On aurait dû rester en 2013. 2014. 14. Ouais, ça fait très allemand, genre. 2014. C'est du guttural comme, ouais. Comme nom de. Mais bon. Et en plus, on est le 14 janvier. En plus. T'sais. Mais c'est le mois de janvier. Yeah! Comme dirait Stéphanie. J'ai essayé de le faire quand même. Yay! Yay! Wow! Hey, tu sais, tantôt, à la fin du premier bloc King Sexy Time, qui était absolument génial, on fait les deux blocs, je pense qu'on a fini King ben, Sexy Time. On a fini. On a fait juste 45 minutes de King Sexy Time. Ouf! Pas si pire. Moi, j'étais épuisé. Moi aussi. 45 minutes de Kinky, c'est pas donné à tout le monde. Non, mais tu sais, il faut juste prendre une pause entre les deux, comme on a fait. Mm-hmm. T'es capable de te refumer une cigarette. Je peux te demander une petite fait, douche. Mm-hmm. À la toilette. Prendre une petite toilette. Oui! Faire sa toilette. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Ben, c'est que j'ai fait une blague. Oui. De pédophile. Ah, okay. Pervers. Bon, on fait pédophile, pervers, je pense que les deux vont ensemble. C'est comme un. Ça va, c'est lourd, Mathieu. C'est la deuxième fois qu'il y a ça. C'est super bon, pareil. Oui. C'est oh. Lourd. C'est-tu David Desbois? Non, c'est près du bradycardie, la caravane. Ah, c'est ça. J'avais fait une blague de pédophile tantôt dans sa caravane. Parce que je me suis dit, je les mettrai pas collés dans le canevas. Je comprends rien de ce que tu dis. C'est lourd. Ça fait la première fois que t'as fait. J'ai été inséré dans une pub, je connais pas le principe. Oui. D'ailleurs, vous êtes qui, vous? C'est la caravane, l'amour est à vos trousses. Radicardie avec la caravane. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Zabriba, zabriba, zabriba, buzz, on fout super mal, rêve. Tu me fais rire, Mathieu. Hey, toi aussi. T'as dit que tu me trouvais drôle, puis là tu m'emmerdes. Ben là, c'est pas moi qui pense. C'est pas moi qui pense. C'est une citation de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Ben, il y avait des guillemets. Hé, hey, toi là, oui, des guillemets, t'es fait que tes mains au complet, c'est comme si tu faisais des bye-bye à tes guillemets. Oui. C'est ça, le bye-bye guillemets. Bye-bye guillemets. Oui. Tu sais, as-tu des enfants pour commencer? Je te connais très peu, tu sais. Est-ce que t'as des enfants? Non, Mathieu. Non. Est-ce qu'un jour tu prévois avoir des enfants, peut-être? Peut-être personnel un peu, on verra. Bon, on verra. Mais bref, si un jour t'as des enfants, il y a quelques sons, quelques bruits. Quelques affaires que tes enfants ne connaîtront pas parce que c'est trop vieux pour eux. OK. On se comprend-tu? Le petit criquet quand tu ouvres l'ordinateur? Genre, le petit criquet, oui. Oui, nous autres, on a une souris dans notre ordinateur qui fait. Mais c'est-tu de quoi je parle? Pour le non, le criquet. Oui. J'avais ça, je pense que c'est un des premiers ordi que j'avais. Ça se mettait en économode, puis l'écran était noir, tout vert, puis ça faisait cri, cri, cri, cri. Ouais, ouais. Tu peux essayer de taper cricket song? Je sais. Cricket sound. On va voir. C'est la... Ouais, mais faut que tu mettes quelque chose d'ordinateur. Bon. J'ai marqué computer cricket, mais je trouve des affaires de cricket sur ordinateur. Mais bref, on va commencer. Tu vas pouvoir en insérer d'autres si t'en veux. On va essayer de les trouver. C'est sûr que t'as pas accès à faire jouer du YouTube de ton bar, mais peut-être que si tu mets les colonnes de son bien fortes devant peut-être l'ordinateur, que ça va faire quelque chose. Ça pourrait fonctionner. Donc commençons avec ce son-là. Tu me diras évidemment si t'y reconnais, toi, étant un jeune enfant, un jeune flow. Ah, ça, c'est le téléphone à roulette. Un téléphone à roulette. Évidemment, le swoosh et le clic-clic-clic du téléphone. D'ailleurs, quand on a lancé l'iPhone, c'est pas dans l'article ici, mais je me rappelle avoir vu un documentaire là-dessus, que l'iPhone, au départ, il voulait y faire un son de téléphone comme ça. Tu sais, dans les premiers iPhones, t'avais, bon, le bloc-notes, c'était un carnet de notes de papier. L'enregistreur, c'était des roulettes de ruban. T'sais. Donc, il voulait faire ça. Mais bon. Donc, évidemment, ce bruit-là peut être refait avec des applications iPhone de nos jours. Oui, certainement. C'est pas la même chose. Ensuite, celui-là. Attention. Oui. On rappelle que Jean-Pierre ne les voit pas. C'est la dactylo, ça. C'est bien la dactylo. Attends, j'entends le ting. Attends. Il va finir sa ligne. Attends. Ah oui. Encore quelques mots. Ah voilà. Clic-clic. Oh! Clonk, clac, clic, clonk, ping et zip sont les bruits d'une machine à écrire. Je pense pas qu'on voit ça bien de nos jours. Ensuite, ah tiens, un autre son qu'on entend, mais je pense encore assez fréquemment, dépendant des gens. Ceux qui ont une tradition un peu hipster, steampunk. Darth Vader. Dans ce cas, il dirait Darth Vader, je suis ton café. C'est un percolateur à café. Ah oh, ouais. Le Blue Piss d'une vieille machine à café. Moi, je trouve ça très, très cute et j'aime encore boire du café à l'ancienne mode. C'est bon, ça, par exemple. C'est très bon. Ensuite, celui-là, peut-être qu'on va moins le reconnaître nous-mêmes parce qu'on est semi-jeune comparé à d'autres, là, quand même. Là. Donc, allons-y avec ce son. Hold it. Les castagnettes. Non, c'est un flash sur les vieilles caméras. On parle de l'époque noir et blanc. C'était un flash d'un petit cube de lumière qui tournait sur lui-même et on pouvait voir le flash à quatre côtés différents. Les quatre côtés du cube, c'était un flash. C'est dans les années 60. C'était très populaire dans les environnements sociaux. Voilà. Ensuite, ça. C'est parfait, ça. Un peu qu'elle se réchauffe un peu. Mais ok. Ok, se réchauffer, c'est un indice. La molette a été activée. On se rappelle qu'on écoute des sons qu'on ne reconnaîtra plus dans le futur et que les extraits qui ont été mis ont beaucoup trop de longueur au début. Oui, quand même. Oh! Là, est-ce que ça dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose, mais on dirait que j'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est une télé qui vient de démarrer. Aïe, aïe. Le truc cathodique. Le cathodique part. Et là, on va bientôt le voir changer de canal parce que c'est le son que je voulais vous faire entendre. Ah tiens, en v'là un ici, juste ici. Clac. Et le buzz. Oui. C'est joli. Et ça, c'est en plus dans le temps où les télés avaient les coins très, très ronds. Oui. Et d'ailleurs, quand on regarde des photos dans le présent qui datent de ce temps-là, on voit les coins ronds. Exact. Des fois. Ah! De la musique à mes oreilles. Ensuite, celui-là revient à la mode de plus en plus. Un autre indice que je te donne, je pense que tu vas le reconnaître dès le départ. Ah. C'est un lecteur de vinyle! Ah! Ah oui! Mais c'est quand même dur à savoir, il faudrait le... Ah, j'avoue qu'on l'entend pas tellement. Mais c'est le quand t'embarques l'aiguille dessus. Ouais, ça je l'ai... C'est tellement beau. Ah! Pour les 45 tours, ça, c'est des singles de 7 pouces. C'est ça? 45 tours. Et un beau petit son de slap et de click et de scratch. Wow! On pourrait écouter toute la chanson. Oui, c'est vrai que c'est bon, par exemple. Ensuite, on n'a pas l'extrait pour le prochain, mais je pense que vous pouvez vous l'imaginer. Ah, je pense que j'en ai peut-être un si je cherche un petit peu ça ici. Je pense que je vais pouvoir l'avoir. C'est le son qu'on a quand on entre dans une station-service ou celle qui était avec service, gling! Surtout. Gling! Il a peur de vouloir ouvrir, c'est ce que je pensais. Ah! Merci. Ah, ben c'est merveilleux en plus comme son, ça. Oui, c'est beau. C'est un beau petit son. Ding, ding. Ding, ding. Donc, dans les stations-service, bien sûr. Ensuite, ce serait peut-être pas celui-là qu'on entend au Québec. En fait, pas du tout. Mais c'est les musiques qu'on entendait à la fin d'une programmation, d'une journée de programmation dans les stations de télé. Oh. Ici, on avait le Haut-Canada. Aux États-Unis, t'as souvent l'hymne national américain avec un nom. Star Spangled Banner. Ça, je sais pas. En tout cas, bref, c'était vers les 2h du matin, dépendant des stations. Nous concluons maintenant notre journée de diffusion. La caisse enregistreuse, maintenant. Clic-cling. Évidemment, le chunk-chunk. Comment on appelle? Ah. Les différents boutons qui tenaient ensemble et ensuite on tenait genre l'autre bouton et on appuyait sur ça pour faire 50 sous! 50 sous! Ah oui. Ensuite, tiens, celui-là, ils sont tous difficiles, je trouve, à déterminer, même s'ils sont très bien réalisés, ces sons-là. Ouais. Classique. Ben oui, vraiment, hein? Des bobines de film pour un projecteur. Ah, tellement! Ah oui, vraiment. Le tic-tic-tic. Je dis tellement, puis j'ai jamais vécu ça. Non, mais on a tous vu les films. Oui, c'est ça. Ils utilisent ça comme, comme flashback des fois. Exact. Et le dernier, ben encore un autre dont je n'ai pas l'extrait. En fait, je pense qu'il y en a eu juste un à date que j'ai pas l'extrait. C'est un disque qui est brisé ou qui va tout le temps répéter le même moment. Man. Ah, c'était tellement bien imité, je trouvais, ça ressemblait à ça. Attention. Là, je le recule. C'est pas pareil, hein? Ah, non. Tu peux pas l'imiter. Un CD qui bug. Ah, mais c'est bon, tiens. Je pense qu'on devrait se gâter et entendre cette chanson. Entendez-la, cette chanson. On le fait pour vous. C'est ça. C'est Box Tops avec Sugar Creek Woman. On écoute ça dans son foutu palmarès. Sur vinyle. Oui. Vintage. Je sais que pour numériser ta discothèque de vinyle, t'es pas obligé de prendre une vidéo pour mettre ça sur YouTube, tu peux juste le ripper en MP3. Mais, il y en a comme ça. Ils savent pas. C'était Backstops avec Sugar Creek Woman de 1972 sur un High Promo 45 tours. Wow! Dans son foutu palmarès. Et on continue dans le même, en fait, dans le même domaine, je dirais pas, mais dans le même segment. Ordre d'idée. C'est ça, dans le même ordre d'idée. Donc voici une deuxième partie de son foutu palmarès. Et dans son foutu palmarès, cette fois-ci, on parle de films, on parle de cinéma. Si vous écoutiez hier à l'émission, on a fait un foutu palmarès sur le cinéma américain. Oui. Avec les traductions de noms de titres. Exact, de titres en France, où ils se servent de titres un petit peu anglophones en France. Un petit peu. Aujourd'hui, dans le même domaine, on parle de films, encore une fois, mais de titres de travail. Okay. Donc, les films, avant de sortir sous leur titre qu'on connaît aujourd'hui, avaient d'autres titres. D'accord? Donc, les films hollywoodiens. On parle seulement de films d'Hollywood. On commence avec Return of the Jedi. Oui. Qui est un film de Star Wars, bien sûr. Portait le nom de Blue Harvest à l'époque. Donc, quand on a commencé à filmer le film Return of the Jedi en 1982, Star Wars était déjà un grand succès, un hit de la pop culture. Donc, Lucasfilm a décidé d'utiliser un film de titre de travail pour masquer la production du film des fans et des journalistes pour pas se faire déranger. Donc, Blue Harvest a été utilisé pendant toute la production du film aux États-Unis. D'ailleurs, on dit que c'était un film d'horreur. Ah oui. Blue Harvest. ça a été utilisé sur presque tout à l'époque. Donc, les t-shirts de l'équipe, les boîtes avec les objets, les accessoires et même les factures. Par exemple, pour les effets spéciaux, des trucs comme ça. Donc, tout était Blue Harvest partout. Une autre raison que ça a été utilisé, c'était pour garder les coûts de production le plus bas possible, parce qu'apparemment, les endroits où ils filmaient et les trucs, les services qu'ils devaient utiliser avaient augmenté leur prix, étant donné que les films de Star Wars étaient de grands succès. Quand ils filmaient The Empire Strikes Back l'année d'avant, ils avaient monté les prix. Donc, Blue Harvest, ni vu ni connu. Wow, les prix plus bas. Ensuite, un autre titre de travail, c'est Planet Ice. C'était pour le film Titanic. OK. On a parlé de tantôt, d'ailleurs, Titanic. Donc, avant que le film Titanic soit annoncé, le réalisateur James Cameron a commencé à filmer des icebergs sur la côte de la Nouvelle-Écosse. Donc, disant qu'il faisait un film documentaire, il filmait Planet Ice, c'est ce qu'il disait. Le raisonnement était pour que les autres studios de cinéma commencent pas à avoir l'idée de faire un film sur Titanic avant qu'il ait fini. Bon. C'est bon pareil. T'sais. Quand même. Parce que c'est sûr que si on sait que James Cameron fait un film nommé Titanic, tu commences à faire un film sur Titanic. Voilà. Ouais. un autre titre de travail, celui-là a l'air d'une comédie romantique, Rory's First Kiss. Oh! Gros câlin, gros. c'était The Dark Knight. OK. Le film de Batman. Ben oui. Donc, quand on a commencé à filmer The Dark Knight à Chicago en 2007, le réalisateur Christopher Nolan a essayé de cacher l'identité du film en utilisant le titre de travail, oui, le premier baiser de Rory. Donc, quand on a envoyé l'appel de casting pour des vrais officiers de police, des shérifs et des gardiens, etc., pour jouer dans des films muets au mois d'août, il y a un journaliste qui a vu le subterfuge. Il a remarqué. Parce qu'il est allé sur imdb.com. Puis il a vu que c'était lui le réalisateur. Donc, il a fait 2 plus 2 égale 4. Bref, il a identifié que c'était le nouveau film de Batman. Ou 1 plus 1 égale 2. Genre, et surtout que le film Rory's First Kiss mettait en vedette Christian Bale et Heath Ledger. Tu sais, peut-être mal caché son oui, jeu quand même un petit peu. Là. J'imagine vraiment la scène oui. de baiser ah, entre oui. Heath Ledger et Christian Bale. Avec une grosse voix. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Pourquoi t'es si sérieux? Pas capable de faire ça. Ça m'a fait mal. Il y a tellement une grosse voix. Là. Mais c'est tellement pas crédible parce qu'il perd, on dirait. Il oui. perd sa grosse voix, Christian Bale, mais bon. Christopher Nolan donc, a utilisé le titre de travail The Intimidation Game pour le film Batman Begins. Il a aussi utilisé le titre Magnus Rex pour The Dark Knight Rises. Et pour son film de 2010, Inception, il a utilisé le titre Oliver's Arrow. OK. La flèche de Oliver. Ensuite, prochain titre, Incident on 57th Street. L'incident sur la 57e rue pour Harry Potter et la Chambre des Secrets. OK. C'est bien ça en français, chambre des secrets. Donc, pour éviter l'attention, évidemment, des fans d'Harry Potter, donc les gens qui fabriquaient Harry Potter and the Chamber of Secrets ont utilisé ce titre bizarre, Incident on 57th Street, pendant tout le shooting, donc pendant tout au complet le film, lorsqu'il était filmé à Londres. Leur inspiration était une chanson de Bruce Springsteen qui portait le même nom. OK. Ensuite, How the Solar System Was Won. Comment on a gagné le système solaire, oui. si on veut. C'était le titre original de 2001, A Space Odyssey. Aussi de l'espace. Ah ouais. Ouais, le réalisateur Stanley Kubrick et l'écrivain Arthur C. Clarke faisaient référence à cette collaboration de science-fiction de 1968 sous le nom de How the Solar System Was Won, une référence au film de Western 1962 de MGM nommé How the West Was Won. Donc Warner Brothers a officiellement annoncé ce projet de science-fiction en 1965 et le document qui était envoyé à la presse l'appelait Journey Beyond the Stars. Kubrick et Clarke ont éventuellement décidé de changer de titre pour 2001 A Space Odyssey 11 mois après le début de la production. D'autres titres qui ont été considérés Universe, Tunnel to the Stars et Planet Fall. Ah oui. J'aime Tunnel vers les étoiles. Mais c'est drôle, tant d'efforts. Comment? Tant d'efforts. Planet Fall. Non mais je veux dire, ils font beaucoup de travail pour tout ça. Pour trouver finalement, mais je trouve un titre qui a quand même passé à l'histoire, 2001 au-dessus de l'espace. Ben oui. C'est classique. Quand même. Mais bon. Star Beast. Oui. C'est devenu Alien. OK. Ouais, Dan O'Bannon et Ronald Shusett avaient une vision. Ils voulaient faire un film qui serait un mélange de science-fiction et d'horreur, si on veut. Donc, avant de trouver le titre Alien, le scénario portait le nom de Star Beast, qui était nommé en l'honneur d'un extraterrestre xénomorphe dans le film. Donc, c'est le nom d'un extraterrestre. O'Bannon a décidé de changer le titre simplement pour Alien quand il a réalisé le nombre de fois qu'on utilisait le nom dans le film. Donc, Star Beast. Star Beast. Il trouvait ça plus beau avec Alien. Ensuite, The Seven Deadly Sins. C'est devenu Seven. OK. Le film avec un 7 dedans. Oui, c'est très bon film d'ailleurs. Ouais, je l'ai pas vu. C'était avec qui? Brad Pitt, ça. Oui. Ah, oh, wow. Je retiens que les acteurs qui avaient le film. Donc, en 1995, le réalisateur David Fincher a fait un thriller nommé Seven, mettant en vedette Brad Pitt, Morgan Freeman et Gwyneth Paltrow. À l'origine, le titre s'appelait, le film s'appelait The Seven Deadly Sins, évidemment, parce que, bon, le tueur en série là-dedans utilise les 7 péchés. Hein. Capitaux. Comme façon de tuer ses victimes. Et on a changé le nom pour rajouter un petit peu de mystère. Ouais. Créer un buzz autour du film. Si tu l'appelles trop littéralement les 7 péchés capitaux. Bah, tu vois, à un moment donné, on comprend. Le... C'est ça. Seven. Seven. Seven. Ouais. C'est chanceux en plus. Paradox. Ensuite, Paradox. C'est devenu Retour vers le futur, part 2. Ah, OK. Part 2. Part en anglais, two? C'est part 2. Donc, Paradox, qui était le titre d'origine pour la suite de ce film de Retour vers le futur. Le film était supposé être au complet un seul film, mais ils ont dépassé le budget, donc ils ont décidé de le couper en deux parties. OK. Quand même intéressant, je savais pas ça. Donc, qui était séparé en deux suites différentes. Donc, j'imagine qu'on parle de part 2 et le troisième. Je pense pas qu'on parle du premier et du deuxième. Le réalisateur Robert Zemeckis a continué d'utiliser le titre de travail pour moins attirer l'attention du public pour le fait qu'il filmait les deux films simultanément. Donc, il l'a appelé Part 2 pour filmer le 2 et le 3 en même temps. Le 2 et le 3. Sans faire à chaler. Ensuite, Black Mask, qui est devenu Pulp Fiction. Ah, ouais. Fiction pulpeuse, ouais, je pense, en français. Je trouve pas le lien. Moi non plus. Black Mask, le masque noir. Donc, quand Quentin Tarantino et Roger Avery travaillaient sur le scénario de Pulp Fiction, ils ont nommé le film Black Mask. C'était un hommage à un magazine de fiction criminel, si on veut, qui a popularisé le style, le genre qu'on appelle Pulp Fiction dans les années 30 et 40. Plus tard, la paire a changé le titre pour plus parler du genre et non pas du magazine en particulier. Okay. Le genre était Pulp Fiction. Eh ben. Everybody Comes to Rick's. Il était le premier titre de Casablanca. Ah, basé sur une pièce de théâtre nommée Everybody Comes to Rick's. Donc, c'était le titre original de la pièce de théâtre. Les auteurs étaient Murray Burnett et Joan Allison. Ils n'ont pas réussi à trouver assez d'argent pour produire la pièce sur Broadway. Donc, Warner Brothers a acheté les droits pour faire un film. Ils ont acheté ça pour seulement 20 000 $ en 1942. Le titre a été changé en Casablanca pour imiter le succès de 1938, Algiers, qui devait porter un nom similaire. Donc, Algiers, Casablanca, pour imiter un autre succès. Ensuite, Group Hug. Group Hug, qui est devenu The Avengers. Aucun rapport. Non, vraiment pas. Donc, Marvel, qui avait des titres, des noms de code, en fait. Ils faisaient juste des câlins tout le temps. C'est ça. C'était, wow. C'était comme c'était la version film des Kalinours. Exactement. C'est ça. Non, pas du tout. Donc, c'était des noms de code pour tous leurs films. Parce que, d'ailleurs, le nom de code pour Captain America The First Avenger était Frostbite. OK. D'accord, parce que apparemment qu'à la fin du film, il se fait prendre dans de la glace Captain America dans le film, je l'ai pas vu, mais apparemment que c'est comme ça. Exactement. Tu vois, bon, donc l'article a raison. The Avengers, donc Joss Whedon a choisi ce titre de travail, Group Hug, pour justement éliminer le plus possible les fans du film, pour pas qu'ils se présentent du tout proche du plateau. Donc c'est ça, The Avengers, Group Hug. Je pense que l'équipe avait bien du fun ensemble aussi, fait que Group Hug, ça l'air ensemble. Titre de travail, A Boy's Life. La vie d'un garçon, c'est devenu E.T. A Boy's Life. Ça a l'air plate en maudit, la vie d'un garçon. En quand même, c'est un drame de mœurs. Oui, c'est ça. Bref, pendant la production de E.T., le réalisateur Steven Spielberg a utilisé le nom de travail A Boy's Life pour, encore une fois, garder l'endroit où il filmait le film secret. Il voulait pas que les films, dans le fond, que les compétiteurs, si on veut, arrivent sur le marché avec un film d'extraterrestre en premier. C'est vraiment, et ça, c'est encore, c'est Steven Spielberg, tantôt c'était James Cameron. Ouais, ils ont tous fait la même affaire, finalement. Ils se ressemblent pas mal, ces deux-là, dans leur façon de travailler, je trouve. Quand même. Donc, cool, A Boy's Life. Ensuite, Corporate Headquarters, qui est devenu Star Trek. OK. J.J. Abrams, la version de J.J. Abrams, en passant la plus récente. Donc, pendant la production du premier reboot de Star Trek, il utilisait ce type de travail-là pour, encore une fois, éviter les journalistes et les fans. Mais finalement, ça sert quasiment juste à ça. On dirait, ouais. Il y a plein de détails de plus. Il y a beaucoup de... Ben, mettons comme raison première, c'est tout le temps pour repousser les fans. Ouais. Eh bien. Surtout récemment, on dirait. Ouais. Les gros films, les gros canons veulent les canons. Ça. Les gros canons. Et finalement, Changing Seasons, le changement des saisons, qui est devenu Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. En 1998, c'était pas un secret que Peter Jackson travaillait sur une adaptation du livre de J.R.R. Tolkien. Donc sur la Terre du Milieu. Lui et son équipe, donc Jackson et son équipe en Nouvelle-Zélande ont passé 2 ans à fabriquer 3 films en même temps, simultanément, pour la sortie du premier film à Noël 2001. Et quand Fellowship of the Ring est arrivé au cinéma partout dans le monde, les films, les rubans, les bandes étaient envoyés avec le nom Changing Seasons attaché dessus pour que les fans de Tolkien n'aient pas... En fait, ça dit pour que les fans de Tolkien se fassent avoir en pensant que, c'était un autre film. Donc, ils ont vraiment complètement... Ils ont berné tout le monde. Berné est le mot que je cherchais, exactement. Oui. Pour les films subséquents, Two Towers et Return of the King, Peter Jackson a utilisé les titres Grand Tour et Till Death for Glory, respectivement. Mm. Vraiment cool, je trouve. Quand même. J'adore ça. Wow. Donc, c'était des titres de travail pour différents films hollywoodiens dans son foutu palmarès. C'est intéressant. Moi, je trouve ça le fun. C'est full information, man. T'imagines, tous ces films-là, ils pourront jamais exister pour de vrai. Non. Puis c'est dommage parce qu'ils trouvent vraiment des bons titres. Vraiment. En même temps, il y en a qui font vraiment trop eau de rose. Ouais. Peu, bon. Boys Life. A Boy's Life. Changing like a boy's life. Comment? Ah, t'avais déjà épuisé ta seule unique fois que t'avais le droit de faire ça. Ah! Même que je pense que tu l'as fait deux fois tantôt. Non, c'est faux, Mathieu. C'est faux. Est-ce que j'ai une preuve? Berne Toronto. Ou à Maison Mère de C'est Fou. Oui, exactement. On va appeler les boss, les hauts placés. On va appeler, ouais, bref. CFOU, Toronto. Toronto Inc. Quoi qu'on aura déjà bien, bien fendant avec notre GMEQTR, mais bon, ça c'est un autre sujet. Au retour, notre ami Alexandre Carignan et sa chronique Le temps de la culture. Mais pour l'instant, une petite pause, ça là. Oh, on va faire ça. Shade Brian avec une petite pause. Le Mathieu, le tease-moi pas. J'aime le mot tease dans ta bouche. Merci. Dans la zone 89.1. C'est fou! Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées, en compagnie de Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante. Ah, mais merci, merci de le remarquer. Ben, merci, merci. Merci, c'est vraiment gentil de ta part. Shine bright like a merci. Oh, mais je sais pas quand est-ce que je vais me tanner de ça. Jamais, jamais. Oui, donc, toujours Assemblage requis. Et maintenant, ben, c'est le moment de se parler un petit peu des choses qui importent dans la vie. Parce que vous savez, il n'y a pas juste travailler dans la vie. Il n'y a pas juste dormir dans la vie. Il n'y a pas juste manger. Il n'y a pas juste... Ben, on pourrait continuer longtemps là-dessus. Il y a aussi se divertir, se cultiver. Donc, voici Alexandre Carignan et le temps de la culture. Pourquoi je fais ça? Chacun ses manies. Boom. Shine bright like a Carignan! Non, non, ça passe pas. Non, bon, d'accord. Non. Bonjour, hey, Alexandra! Hey. Bon matin! Bonjour! Ça va? Ça va super bien. Mais oui, ça a fait un petit bout qu'on s'est vu la semaine passée. Non, c'est vrai, on s'est vu la semaine passée. On s'est vu, ouais, c'est ça. L'une des seules, en fait, qu'on a vu la semaine passée. Pour vrai. Fait que je devrais m'en rappeler. Oui, tu devrais. Je suis un peu... en ce moment, je me sens oubliée vers toi. Oh non, attends un peu. Ouais, attention. Renverse pas ton café pour ça. Là, ça, ben non. Ça te crée des émotions. Mais non, t'es remarquable. T'es une fille remarquable. Ben merci. Oui. T'essaies de te reprendre, là. Vraiment? Oui. Est-ce que ça fonctionne? Non, pas vraiment. Ça marche pas. Donc, laisse-moi deviner, on va parler d'art et de spectacle, d'art visuel et d'improvisation et tout ça. On parle tout le temps de choses qui touchent notre œil visuel. Tu devines genre presque bien parce qu'on ne parle pas d'art visuel cette semaine. La seule fois. Ah, tu vois. Mais on peut en parler si tu veux. Comme on se gâte. On va en parler dans ce cas-là. Là, je veux parler de tout. On a une demi-heure pour parler de tout ce Écoutez, que tu veux. J'en aurais pour 3 heures. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en ville, même si on est seulement le début janvier. On va se starter ça avec de l'art visuel. Hein? Tu m'as titillé un petit peu, là. Aïe, aïe, hein? Hein? Tu m'as titillé avec l'affaire. Mais non, mais écoutez, en fait, ce qu'on va aller voir, là, c'est sûr que le début d'année est souvent très mollo dans les expositions, mais il y a une galerie qui a verni sa nouvelle exposition, et c'est bien le centre de diffusion presse-papier qui a verni l'exposition Matrice signalétique pour la réfection de l'échangeur turco. Même, ça a l'air bizarre. De l'artiste oui. Étienne Tremblay-Tardif. Écoutez, oui, en fait, ça a l'air plus d'un projet d'ingénierie. Oui. Mais non, en fait. Ça vaut des milliards de dollars, on dirait, tu sais. C'est ça, oui, c'est ça. C'est comme c'est un gros projet, là, c'est 2000 pages. Sur comment refaire l'échangeur turco. Pour ceux qui le savent, bien, l'échangeur turco, c'est un des plus grands échangeurs routiers, en fait. C'est pas le plus grand là, au Québec. Et qui pose plusieurs problèmes. Hein. Si ça vous dit quelque chose, mais que vous savez pas c'est quoi, là, c'est parce que ça a fait les manchettes là, à de nombreuses reprises, parce qu'il a coûté excessivement cher. Il a été construit là, en 1967 avec l'exposition Rosana Varcel. Et le problème, c'est qu'en ce moment, il est en décrépitude. Alors, que faisons-nous? Réparons-nous cela ou est-ce qu'on investit pour tout détruire puis reconstruire? Mais là, si on détruit et on reconstruit, il y en a plus. On ampute le plus grand échangeur routier de tout le Québec. Difficile de se promener s'il n'y a pas de pont. Alors, exactement. Alors, tout ça, c'est le contexte dans lequel Étienne Tremblay-Tardif a décidé de faire son exposition. C'est un artiste qui fait de l'estampe et c'est très intéressant ce qu'il a fait parce que lui, il a choisi ce sujet-là pour faire ses estampes. Donc, on retrouve parmi les estampes, là, articles de journaux, mais aussi des images photographiques, des cartes géographiques. Donc, on voit un peu un amalgame de tout ça. Aussi, certains que c'est plus comme de l'art cubique, là, voire là, avec des couleurs très scintillantes qui rappellent justement des panneaux signalétiques. Mais tout ça est mis assez non conventionnel dans presse-papier, puisque les estampes sont sur des fils de fer qui, eux, sont accrochés à des murs. Donc, tout ça, en fait, pour refaire l'idée d'un échangeur routier. Donc, c'est vraiment, là, on va passer entre sous les bretelles des estampes pour visiter l'exposition. Donc, il y a pas d'estampes qui sont sur les murs. Sur les murs, en fait, il y a des textes explicatifs qui sont faits à la manière de tags, ce qu'on retrouve souvent. Des graffitis, style. Oui, c'est ça. Ah. Donc, dans les styles de graffiti. Alors, ça, c'est très intéressant. Visuellement, là, c'est une belle exposition. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Presse-Papier, mais c'est très petit. C'est une salle très, très, très petite. Mais avec cette exposition-là, c'est ce qui est intéressant. C'est que c'est petit, mais tu te promènes à travers l'exposition et ça rend, en quelque sorte, la salle plus grande. Là. Ça vaut la peine. Pour vrai, c'est une belle exposition. C'est intéressant aussi de voir. Moi, j'aime beaucoup l'aspect journalistique, là. Moi, j'aime ça, là, des cadres, là, où est-ce que t'as une estampe, là, où est-ce que t'as un journal, ben, en fait, un article de journal superposé. Je trouve ça beau. Alors, c'est visuellement très, très beau. C'est intéressant aussi parce que l'artiste veut non seulement faire un hommage, mais un peu une commémoration, là, de l'échangeur turco et de... C'est très, très instructif, là. On voit tout de sa fondation jusqu'au problème avec les gouvernements. Donc, si on s'y attarde, on peut voir toute l'histoire là, de l'échangeur turco. Alors, c'est présenté jusqu'au 9 février prochain au centre de diffusion Presse-Papier. Ça vaut la peine. Allez faire un tour, c'est gratuit, hein, on se le rappelle. C'est sur la rue Saint-Antoine. Donc, si vous prenez la rue Notre-Dame à côté du stand d'une pinte, là, c'est juste à côté de ça. L'ancien torréfacteur. Oui, l'ancien torréfacteur. C'est la rue avant. C'est gratuit, c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi, évidemment, comme tout centre d'exposition. Là. Comme tous les coiffeurs. comme tous les coiffeurs. Belle comparaison. Merci. Allez visiter ça, ça vaut vraiment la peine. Pour vrai, c'est une belle exposition. Peut-être qu'un jour, tu feras afficher toi-même un de tes articles du Zone Campus au centre. Ça se pourrait. Peut-être. Ça a l'air qu'il y a même 6 figurants qui sont là juste pour faire du trafic. Ils sont là pour t'empêcher d'avancer. Non, mais pareil, comme sur les changeurs turcois. Oui. Depuis tantôt, je la travaille. Oui. T'as travaillé. Hein? Oui. Depuis tantôt. Faut que t'amènes ton GPS pour aller au centre presse-papier pour savoir où tourner, aller voir les heures. Ça veut dire genre recalcul de l'itinéraire. Ben, ouais. Donc. Hey, des fois, vous êtes drôle. Des fois. Un jour, ça arrivera. Un jour par semaine. Sinon, en fait, on va aller du côté des spectacles cette semaine. Mardi directement. Ben, qu'est-ce qu'il y a le mardi? Il y a de l'improvisation. Il y a de l'improvisation. Alors, c'est la Ligue d'improvisation mauricienne qui va jouer ce soir à la salle Louis-Philippe Poisson. Blou, blou. C'est le grand retour. C'est JP qui l'a fait au lieu de moi. C'est même pas moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous alternez à chaque fois. C'est donc la Ligue qui reprend ses fonctions. Donc, elle a été en vacances pour le temps des fêtes, elle revient et ce, en force, avec un match contre les Oranges et les Mauves. Orange, c'est Jocelyn Garneau, Rémi Francaire, Elodie Mongrain et moi-même. Et les Mauves, en fait, c'est Alex Drouin, Hélène Martin, Alexandre Gauthier et Samantha Bérubé. Boum! Ouais, non, c'est quand même bon. Ouais. Oui, en fait, ça va être un... Oui. Ça va être un gros match, ouais, je pense. Ça va être un gros match. Ça vaut la peine. Et surtout, surtout, surtout, ce soir, c'est une scène alternative. Hein? Et là, Mathieu... Attends un peu, Blanc, là, toi, là. Attends un peu. La dernière fois, ouais, tu m'as dit que t'allais venir. Hey, je me suis fait dire pendant genre deux semaines après, là. Fait que là, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Mais là, moi, je blâme Steph à chaque fois parce que c'est sa faute. Oui, c'est sa faute. Mais bon, je vais pas me la cacher, là, tu sais. D'ailleurs, on a l'extrait en onde, hein? Oui. Hey Mathieu, il y a une scène alternative à la Lim. Tu vas-tu y aller? Ben, c'est sûr, je vais. Oui, ben, pas sûr d'y aller, c'est une scène alternative, man. Je te l'avais dit. Ah, oh, je peux pas y aller! Faut que j'aille faire la vaisselle! Je me suis dit quelle excuse j'avais dit. Pourquoi? La seule raison Steph. Pourquoi elle n'est pas allée. Je me rappelle pas, c'est parce qu'elle faisait la vaisselle. Je ne sais pas, non, j'ai dit ça de même. Je me sens tellement. Hey, man. Oh. Je me suis fait passer dessus par une vaisselle. Oui. Oh. Mais tout ça pour dire qu'il y a encore une scène alternative, parce que sûrement qu'il y a des spectateurs qui n'ont pas vu la scène, la dernière scène alternative. Quelques-uns, sûrement. Quelques-uns, hein? Alors, ça se refait. C'est quoi une scène alternative? C'est qu'on prend... bon, évidemment, la Lim a sa scène traditionnelle, ben traditionnelle depuis 2 ans, là, qui est noire, donc très théâtrale. Donc, on prend ces blocs-là et on en refait une nouvelle dans laquelle les improvisateurs ont de nouvelles contraintes. Alors ça va être très intéressant, surtout que la scène alternative va vraiment, pour celui de ce soir, va vraiment donner des contraintes par rapport au mixte et au comparé. Je vous en dis pas plus. Ah, c'est pas la même chose, parce que l'autre fois, on m'avait décrit comment c'était. Ok, ouais. Chaque scène alternative va être différente. Alors, ça va être très intéressant ce soir. Et le tout est animé par, en fait, va être le maître de jeu. Normalement, c'est un autre joueur de la ligue qui ne joue pas. Eh bien là, pour les scènes alternatives, on invite quelqu'un de l'extérieur. Et là, on a invité Luc Mascotte, qui est un ancien joueur de la Lim. Donc, l'année passée, il était là. Il a gagné la coupe avec moi-même. Bravo. Alors... Fallait que je me plug. Ben, je vois ça. Alors, Luc Mascotte va être maître de jeu. Il connaît très bien comment on fait de l'improvisation sur la nouvelle scène. Et c'est quelqu'un de très dynamique qui adore l'improvisation. On l'aime, Luc. On l'aime. Il est cute. Bon, alors, ça va être ce soir à la salle de Philippe-Poisson, 20h, 5$ étudiants, 6,50$ d'admission générale. Ah, il n'est pas cher, ça? C'est pas cher. Ça vaut la peine. T'as quelle salle, Mathieu? C'est la salle... Je viens juste de le dire. Là, d'habitude, c'est moi-même qui te mets les pieds dans les plats parce que j'écoutais pas les informations pertinentes, là, mais je me rappelle pas. C'est à quelle salle? Louis-Philippe. Poisson. Bloup, bloup. Non, parce que là, il y a Rodolphe Mathieu. Hey, hier, là, je me suis retenu juste faire ça pour le gag. Ouais, mais la salle Rodolphe Mathieu, c'est juste un amphithéâtre. Moi, je sais. Mais ça me rappelle une blague que j'ai pas pu faire hier, fait que je vais en faire aujourd'hui parce que t'es bonne pour ça. Je suis gâtée. Ben, t'avais fini sur le match de la Lim, là, quand même. Fait que j'essaie de faire mes blagues au moment approprié. Vas-y. Mais hier, à la Luitre, la chronique de la Luitre avec Philippe Grenier, OK? C'est une autre affaire d'impro, fait que ça fait dans tout à fait. Donc, il a dit, on va aller pratiquer notre impro pour être meilleur. On va aller à la salle Rodolphe Mathieu. Fait que j'aurais dû faire la blague. Colin, vous allez roder votre show à Rodolphe. Roddy, rod, rod. Mais je l'ai pas fait. Comment? Je trouvais qu'il était bon. Roddy, rod, rod. Mais je l'ai pas fait, puis là, j'étais fier d'y avoir pensé après. Fait qu'on m'a dit, tu sais, peut-être que t'auras une autre opportunité. La vlo, on parlait. C'était là, l'opportunité. Rodé à Rodolphe, man. Mathieu, c'est un peu comme RBO. Je sais pas si t'as vu le sketch, le retour du vieux stock. Non. Ben, c'est ça. T'écouterais ça. Rodé ça à Rodolphe. Alors, enchaînons. Oui, s'il te plaît. Donc, pour ce soir, c'est l'improvisation à la salle au Philippe-Poisson à 20h. Cette semaine, si vous êtes plus musicalité québécoise, eh bien, nous avons un spectacle qui va se présenter encore une fois à la salle au Philippe-Poisson. C'est le spectacle de Jimmy Hunt, donc le 18 janvier à 20h, ce qui est samedi. Jimmy Hunt, pour ceux qui le connaissent, en fait, c'est un ancien membre de Feu Chocolat. Chocolat qui a été très connu. C'était un duo de musique rock poétique psychédélique, genre un beau petit rock indie. rock pop. Et il a lancé, en fait, dès 2008, son un album solo. Il a enchaîné, en fait, en 2010 et en 2011. Il a, et récemment, là, en fait, il a sorti son nouvel album, là, qui s'appelle, je me rappelle plus son nom. Maladie d'amour, je crois. Maladie d'amour. Maladie d'amour. Alors... Mais ça sonne pas comme ça du tout. Mais ça sonne pas comme ça. Non, j'ai l'impression de... d'être une... c'est ça. Alors, Maladie d'amour qui est sorti en fait le 1er octobre 2013 et c'est justement pour ça qu'il est à Trois-Rivières. Il fait sa tournée promotionnelle. C'est un artiste qui est très, très bon, qui fait souvent... Moi, il me fait beaucoup penser à... dans des allures de Fred Fortin, Gros Méné, moins rock, sale, mettons, parce que Gros Méné, ça... Quand même. Ça rentre plus... au poste. Ouais. Donc, moi, pour moi, c'est comme du Gros Méné doux et ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, on va aller écouter un extrait de Jimmy Hunt. On va aller écouter Sois belle. Lève-toi, touche-toi, tord-toi, rock-toi, tire-toi, split-toi, strip-toi, riche-toi, baigne-toi, coupe-toi, grime-toi, rouge-toi. Baisse-toi, tourne-toi comme ça pour moi. Sois belle. Sois belle. Sois belle. Sois belle. Mais ne chante pas. Nippe-toi, pique-toi, perce-toi, trime-toi. Gire-toi, rasse-toi, fixe-toi, foule-toi. Lasse-toi, vends-toi, vire-toi, brûle-toi. Vexe-toi, choque-toi, shake-toi, shoot-toi. Sois belle. Sois belle. Sois belle. Sois belle. Mais ne chante pas. Nique-toi, pique-toi, pèse-toi, trime-toi. Jure-toi, rasse-toi, fixe-toi, foule-toi. Lasse-toi, vends-toi, vire-toi, brûle-toi. Pèse-toi, choque-toi, shake-toi, shoot-toi. Sois belle. Sois belle. Sois belle. Sois belle. Mais ne chante pas. C'était Sois belle de Jimmy Hunt. Jimmy Hunt qui sera en spectacle, en fait, ce samedi à la salle Louis-Philippe Poisson de la Maison de la Culture. Alors, les billets, en fait, c'est 19,50 réguliers. Si vous êtes étudiant, la Maison de la Culture vous aime beaucoup et vous donne des rabais. Oh. Donc, c'est 17,75. Et à la Maison de la Culture, à la salle Louis-Philippe Poisson, ce qui est agréable, c'est que c'est en formule cabaret. Donc, on est assis à une table et on peut s'acheter une consommation sur place. Et d'ailleurs, c'est pas n'importe quelle consommation, c'est de la bière du Trou du Diable. Alors, un beau spectacle qui vous attend. Et d'ailleurs, t'as un cadeau. Oui, ben Colin, tu fais bien de le mentionner. On a un cadeau, pas juste moi. Toi aussi, Jean-Philippe, je t'inclus là-dedans. Oui. Oui. Nous avons en fait une paire de billets à faire tirer. Exactement, pour le spectacle donc de Louis de Jimmy Young, bien sûr, à la salle Louis-Philippe Poisson. On va faire ça tout à l'heure quand on va passer en musique pour pouvoir laisser les gens appeler parce que sinon, tu vas avoir de la misère à répondre pendant qu'on jase. Oui. Mais reste à l'écoute parce que une paire de billets s'en vient dans les prochaines minutes pour les gens qui nous écoutent en direct le mardi. Mais pour l'instant, Alexandra, on parle des Golden Globes. Eh oui, je vais faire un retour parce que les Golden Globes Awards, Golden Globe Awards, j'ai mis un S pas où est-ce qu'il fallait, ont joué justement ce dimanche. Et on a trouvé, en fait, on a eu toutes les nominés, en fait, et les gagnants aussi, ce qui est très important. Le meilleur film de l'année, mais en fait, le Best Motion Picture Drama, c'est 12 Years a Slave. Ça, c'est l'affaire d'esclaves. Oui, exact. Mais pas celui avec Oprah Winfrey, là. L'autre. Parce qu'il y avait comme... Il y a eu deux films, là, sur... en fait, celui avec Oprah qui est plus... On suit un majordome. En fait, ça s'appelle Le Majordome. Oui, exact. Donc, le majordome noir au fil de... comme un peu comme un Forrest Gump, là. Tu sais, il vit tous les événements, là. Donc, un peu la même chose. Mais celui-là, c'est 12 Years a Slave avec Brad Pitt. Donc, on l'a eu ici, à Trois-Rivières, au Tapis Rouge, il y a de cela à peu près un mois. La place pour les films, je pense, Oscarisé. Ah, c'est vraiment là, c'est le tapis rouge. Mmh. Donc, il a gagné le meilleur film de drame. Le meilleur film comédie ou musical, c'est American Hustle. Donc, celui qu'on a appris hier qu'en France, oui, s'appelle American Bluff. American Bluff. American Bluff. Alors, voilà, American Bluff avec Christian Bale. On a Bradley Cooper. Évidemment aussi Jennifer Lawrence qui a gagné la meilleure actrice de soutien dans un film avec ce film-là. Et Amy Adams aussi, qui a gagné la meilleure actrice dans un film. Ah, je l'aime-tu, Amy Adams? Avec ce film-là aussi. Elle est donc bien belle. Génial. Alors, American Hustle, qui a remporté la meilleure comédie, mais aussi la meilleure femme et la meilleure actrice de soutien, quand même. Et en France, au Québec, ça s'appelle Arnaque américaine, pour ceux oui, qui veulent vrai, suivre. Oui, c'est vrai, Arnaque américaine. Alors, ça a l'air très, très bon. Meilleure actrice dans un drame, c'est Kate Blanchett, pour son film avec Woody Allen, qui s'appelle Blue Jasmine. Meilleur acteur dans un drame, c'est Matthew McConaughey avec Dallas Buyers Club. D'ailleurs, le meilleur acteur de soutien dans un film, c'est Jared Leto qui l'a eu aussi avec Dallas Buyers Club. Dallas Buyers Club, si vous voulez encore le voir, il est présenté au tapis rouge. Et d'ailleurs, si vous êtes comme moi, des fans de version originale anglaise, parce que particulièrement celle-ci, Matthew McConaughey joue un rôle très sudiste, là, donc il y a un bel accent. Là, que... Alors, le tapis rouge présente le film demain, soit mercredi, donc mercredi le 15 à 13h en version originale anglaise. Je pense qu'il n'y a même pas de version française si je regarde sur Wikipédia. Je crois qu'il n'y a même pas de version française. C'est tout ou que peut-être qu'il va en avoir une sur non, le DVD? Non, il y en a une. Il y en a une. Parfait. Je ne vois oui. pas le titre en français. En Alors. Fait, vous pouvez voir le film au tapis rouge normalement là, sur les horaires réguliers en français. Mais là, ils font une présentation spéciale pour en anglais. Donc, moi, je vais y être demain après-midi. Alors, c'est un film, si vous ne connaissez pas un peu l'histoire, là, c'est l'histoire d'un homme qui se fait dire dans les années 70 qu'il a le sida. Un homme très homophobe. Et finalement, en fait, lui, c'est un dealer de drogue. Et il va finir par dealer des médicaments contre le sida qui ne sont pas approuvés aux États-Unis, mais qui se font au Mexique. Mm-hmm. Donc, ils ne sont pas approuvés, mais ils aident à la réhabilitation au sida. C'est juste que ce n'est pas encore totalement prouvé ou les effets secondaires et ainsi de suite. Donc, lui, il va décider d'aider les personnes qui sont atteintes du sida. Il va aussi se lier d'amitié avec, justement, un travesti qui est joué par Jared Leto. Alors, c'est d'après une histoire vraie. Alors, ça vaut la peine d'aller voir ça. Donc, c'est Matthew McConaughey qui a gagné le meilleur acteur dans un drame. Le meilleur acteur dans une comédie, eh bien, évidemment, c'est Leonardo DiCaprio avec son film The Wolf of Wall Street de Martin Scorsese, que je n'ai pas vu encore. Ah, c'est le duo Titanic qui gagne. Oui, vraiment, ben oui, le retour. Oui, c'est ça. Alors... quand même, ça va valoir la peine. D'ailleurs, Matthew McConaughey, qui joue aussi dans The Wolf of Wall Street. Ah, OK. Oui, qui joue le mentor. Il joue le mentor de Leonardo DiCaprio. Moi, c'est un film que je veux voir absolument, mais je vais l'attendre en version anglaise. Moi, okay. Je suis stuck in même. Alors, il a gagné le meilleur acteur. Meilleur film d'animation, pour ceux qui aiment ça, eh bien, c'est Frozen, donc La Reine des Glaces, mm-hmm. en français. Le nouveau film de Disney, là, pris selon la technologie qui a fait aussi réponse, donc Rapunzel. Ça vaut quand même l'affaire. Le meilleur directeur d'un film, c'est Alfonso Cuarón avec Gravity. avec Sandra Bullock. Je ne l'ai pas vu, mais c'est pas grave. Mais souvent, et c'est de même à chaque année, la plupart des gagnants d'Oscars sont des films que personne n'a vus. Que tout le monde va voir après. Comparé aux gros blockbusters, mais tout le monde va aller les voir après, puis faire comme, waouh, j'ai vu ça, c'est ça. Bon, mais c'est sorti de là, ben, littéralement 11 mois et demi, genre, parce que la période d'inscription pour les Oscars, c'est genre un an, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, ça dépend de quand tu mettons, Dallas Buyers Club sort là, c'est ça. Là, The Wolf of Wall Street a sorti le 25 décembre. Ouais. Mais souvent, mais ça faisait longtemps qu'il était produit. Là, tu vois, quand tu sors à des dates comme ça qui sont pas super bonnes, j'imagine que pour le cinéma, la Noël est quand même une période assez faramineuse. Mais souvent, il va sortir à la dernière date possible pour être inscrit aux Oscars. C'est des fois... Je sais pas comment ça marche. Je pense pas que c'est parce que c'est pas nécessairement... Ben là, c'est pas les Oscars, là, c'est les Golden Globes. Excuse-moi, les Golden Globes. C'est un peu différent. Pas pareil. Mais... Non, il n'y a pas nécessairement... ça n'a pas de jeu par rapport à ça. Là. Pour vrai, là, ça... Non. T'as tort. C'est non. OK, il n'y a pas, de... Je peux pas te dire comment ça marche. Je n'étais pas dans la chambre quand ils ont choisi. Là, mais c'est, ça n'a pas de répercussions. Non, exactement. D'accord. Pour ce qui est du meilleure télésérie drame, eh bien, c'est... évidemment Breaking Bad qui a gagné. Ben oui. Breaking Bad qui a terminé en fait sa série avec une finale époustouflante. D'ailleurs, le meilleur acteur d'une télésérie drame, c'est Bryan Cranston, celui qui interprète Walter White, celui qui est atteint du cancer. Alors, c'est lui qui a gagné le rôle. Dans la meilleure actrice dans une télésérie drame, c'est Robin Wright pour son rôle dans House of Cards, la télésérie produite par Netflix avec... Kevin Spacey. Kevin Spacey, exactement. Ouf. Que mon copain adore. Il capote complètement. Moi, je ne l'ai pas écouté encore, là, mais elle est très, très bonne. Dans la meilleure télésérie comédie, c'est Brooklyn Nine-Nine qui a gagné. La surprise, toi. Oui, la surprise, parce que moi, je m'étais fait dire que c'était juste correct. OK. Mais j'avais juste écouté le premier épisode. Tu sais, c'était au début, là, j'ai pas... Et c'est nouveau de cette année, donc il n'y a pas beaucoup d'épisodes de produits jusqu'à maintenant. En fait, ils sont à la demi-première saison. C'est ça. Alors, quand même, mais écoute, ça a l'air que ça vaut la peine. D'ailleurs, le meilleur acteur d'une télésérie, c'est Andy Samberg, donc le personnage principal. Qui pensait qu'il allait devenir acteur? Parce que le gars, c'est un humoriste, un drôle. Oui, c'est ça. En fait, il a joué pendant des années à Saturday Night Live. Il a parti son groupe humoristique qui s'appelle The Lonely Island avec... deux de ses copains de Saturday Night Live. Finalement, eh bien, d'ailleurs, pour ceux qui sont un peu plus culture populaire, là, il a joué dans le That's My Boy avec Adam Sandler. Ouais. C'est son fils. Dans le fond, c'est le fils à Adam Sandler. Alors, il a gagné le meilleur acteur dans une télésérie, ce qui est quand même... c'est pas rien. Là, c'est sûr que je veux regarder ça. Oui, Brooklyn Nine-Nine, c'est une émission policière humoristique oui, sur Fox. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Alors, ça a l'air de valoir la peine pas mal. On va se le dire. Et pour ce qui est des rôles féminins, donc dans une meilleure actrice d'une comédie, c'est Amy Poehler, qui est en fait une présentatrice aussi des Golden Globes, pour Parks and Recreation, qui a gagné le prix. Pour le meilleur film ou mini-série, eh bien, c'est Behind de Candela Bra qui a gagné. En français, c'est Ma vie avec Liberace, qui a été présentée d'ailleurs au tapis rouge. Ma vie avec Liberace, qui présente... Là, Liberace, c'était comme un chanteur vraiment kitsch des années 80. Alors, c'est avec quand même Michael Douglas et Matt Damon. Pas les petits noms. Là. Mine de rien. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est pas le premier prix là, qu'il gagne. Là. Il a gagné la Palme d'Or au Festival de Calme. Donc, quand même. Ouais. En fait, pour la Palme Dog, pardon, pas la Palme d'Or. Parce que c'est les Calmes d'Or et non pas les à Calme. C'est quoi ça, Calme? En tout cas, bref, à Cannes. Et non pas à Cannes. Juste qu'il ne faut pas mélanger les deux, c'est ça? C'est pas Cannes, c'est ça? Oui, ben c'est Cannes 2013. Ok, c'est Cannes, parfait. Excuse-moi, je pense que c'est d'autres choses. Mais c'est un autre prix, mais c'est ça. D'accord. Alors, Behind the Candela Bra a gagné ça. Et d'ailleurs, Michael Douglas a gagné le meilleur acteur dans une mini-série ou télésérie. Alors, ça vaut quand même la peine de le mentionner. Sinon, c'est pas mal ça pour ce qui est d'intéressant. Là, c'est sûr qu'il y en a d'autres, là, mais... De plus petit prix ailleurs. De plus petit prix, exactement. Alors, ça vaut la peine si vous voulez aller voir. Ça nous donne un petit peu... Moi, ça me donne... C'est sûr que je vais aller voir aussi les autres, là, de ceux qui sont nominés. Mais ça nous donne ce qui vaut vraiment la peine d'être vu pour les performances et de cibler le qu'est-ce qui est le fun dans les films qui ont été sélectionnés. Alors, d'ailleurs, je vous le redis, tapis rouge demain. 13h, on présente Dallas Buyers Club qui, selon toutes les personnes qui ont été le voir, c'est un incontournable de l'année. J'ai eu juste des bons commentaires là-dessus. Ouais. Incroyable. Puis tout le monde dit ça. Allez le voir en version originale. Ah oui, en tout le monde. OK, parfait. Ouais. Ben en fait, c'est ça. Accents. C'est que ce qui est intéressant, c'est les accents. Et Matthew McConaughey, là, pour ceux qui sont comme moi, le connaissent parce qu'il a joué dans les films comme en Père son mec en 10 jours et ainsi de suite. En Chess, là, sûrement, quelque part là-dedans. Moi, mon copain le connaît beaucoup de vues. Et il ne l'a pas reconnu dans la bande-annonce. Ah. Il a perdu extrêmement de poids parce qu'il joue une personne qui est atteinte du sida quand même. Alors, il est pour vrai, là, c'est à voir. Moi, j'ai hâte de le voir demain. Alors, si vous voulez être de la partie, tapis rouge 13h, version originale anglaise. Fantastique! Golden Globes, moi, on a parlé de Netflix tantôt. J'aimerais vraiment ça si Netflix pouvait se mettre à jour sur les émissions live comme des galas. Tu sais, si Netflix avait le lendemain les Golden Globes, ça vaudrait le 8$ par mois. Le tout.tv de Netflix. Genre, tu sais. Pour vrai, ce serait un bon petit plus à avoir. Mais bon, on a parlé plus tôt dans la chronique Le Temps de culture de Jimmy Hunt. Oui, Mathieu, exactement. Puis je pense qu'on aurait une paire de billets à faire tirer encore aujourd'hui. Oh, ouais. Parce que le spectacle est le 18 janvier, comme le disait Alexandra, à la salle Louis-Philippe Poisson. Louis-Philippe Poisson. Bloubloub, excuse-moi. Oui. Donc, une paire de billets pour Jimmy Hunt. C'est le 18 janvier 2014, évidemment, à 20h à la salle Louis-Philippe Poisson. Ça serait... Ça serait... C'est appelé au 819-376-5183. 819-376-5183 pour une paire de billets pour le spectacle de Jimmy Hunt. Pendant qu'on écoute une pièce du palmarès anglophone, très rapidement pour terminer l'émission, voici Lederhausen, Lucille et Krista Muir avec Chicken or Clark. On attend vos appels 819-376-5183 pour Jimmy Hunt. Avec Krista Muir, la pièce de Chicken on Clark. Alexandra Carignan, tu me disais, il me semble que ça me rappelle une chanson des Beatles. Ouais, c'est la même air que Don't Let Me Down. Don't Let Me Down. Non, est-ce qu'on écoute un extrait de ça juste pour être sûr que c'est vraiment ça? Je pense que t'as raison. Je pense vraiment que t'as raison. Attention. On pourrait se quitter là-dessus même. Ben, OK. Don't Let Me Down. Ouais, c'est minable. Ouais, c'est minable. C'est tout pour Assemblage Rocky pour aujourd'hui. Merci Alexandra Carignan. Ben, ça me fait plaisir. T'es la seule qu'on remercie aujourd'hui. Mm-hmm. C'est vrai, ça. On te remercie. Ben, elle s'en va, elle n'a pas le choix. On ferme le studio jusqu'à 10h pour la prochaine émission. Qui s'en vient tout à l'heure, Les Malhonnêtes. Commence donc à 10h avec Michael Mani et PC. Oui, PC. Le Dîner de con va être là à 11h avec Danny Janvier. En après-midi, c'est la rediffusion écourtée de Rock Classique. À 17h, retrouver Le Voyage Insolite avec Frédéric Durand. À 18h, Carina Tardy va être de retour avec La Vie en Mauve, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça recommence bien aujourd'hui, ça. Ne me trompe pas. Réanimation sera là à 19h avec une version un petit peu plus courte cette année, seulement 2h au lieu de 3 de métal et d'horreur. Pourquoi est-ce qu'il est réduit d'une heure? Why? Parce que Because! Dorénavant, le docteur Pendragon co-animera l'émission Rock Classique avec Alain Lefebvre les vendredis après-midi. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a seulement 2 heures de réanimation. Mais bon, ne vous en faites pas, ça va être bon quand même, c'est du concentré, ça. On va se retrouver demain entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Demain, on accueillera deux nouvelles chroniqueuses, mon JP. Mais oui, mais... Sans toi, là. Mais c'est ça. T'as pas le nouveau stock, t'as juste du vieux stock. Ben, c'est ça. En fait, t'as juste les journées où il y a personne, genre, sauf une chronique, tu sais. Ouais. Je mets une très bonne chronique à moi. Je prends assez de place demain, mais... C'est ça. Faut qu'on te fasse de la place. Oui. Donc, demain, on aura Alexandrine Pichessir avec sa nouvelle chronique sur la crème de la crème à Trois-Rivières. Ça va être vraiment le fun, ça va être à 7h30. Cindy Gilbert, oui, qui va nous apprendre à être plus active dans son segment Activez votre santé. Ça commence demain aussi. Et Stéphanie Paradis qui va être là pour co-animer et pour faire le tour du plus récent journal Zone Campus. C'est demain, l'émission. Yay! C'est pas pire, hein? Ouais, tu l'as bien, quand même, pas pire. Je me mets bien. Avec le temps, tu vas pouvoir quasiment remplacer Stéphanie si elle est malade un mercredi ou un jeudi. Puis elle va pouvoir me remplacer un mardi. On va faire des switches. On va avoir un tableau, là. Puis là, des fois, le mardi, je serai pas là. C'est elle qui va être là. Okay. Puis là, moi, je vais être là le jeudi. Là, je suis en train de faire semblant de dessiner sur un tableau. Est-ce que tu m'entends, Mathieu? Ça a l'air vrai, oui. Oui, et ça va être à côté du tableau jour depuis le dernier accident. Genre. Oui. Depuis 97. Allez voir assemblagerequis.com pour les balado-diffusions et les notes de l'émission. Et c'est fou.ca pour la programmation complète et tout ce que vous voulez savoir sur la radio. Et plus encore. Oui. On se quitte avec les Beatles, Don't Let Me Down. Merci encore, Alexandra, pour la suggestion. Ça fait plaisir. Hey Mathieu, je t'ai-tu déjà dit que l'application, c'est fou pour pouvoir écouter en direct et de retour? Ben non, arrête ça. Après ça, tu vas me dire c'est quoi qu'on peut regarder le site web directement dans l'application? Je te jure. Je te crois pas. Je te jure. Allez sur cif.ca, cliquez sur le lien. Il y a Facebook aussi. Le lien, c'est... Tout est là. Sur iTunes, cherchez C'est fou live, man. Tout est là. On s'est dit bye 1000 fois, mais bye encore. Sur cette tune-là, c'est parfait. Laisse-moi pas tomber. Chance d'être aimé. Non, c'est pas la même chanson, tu vois. Hey, parce que tout le monde sait que Mathieu anime sur une échelle. Clairement, on n'écoutera pas la chanson aussi. Non, mais t'as pas de bad joke. Mais laisse-moi pas tomber de l'échelle. Ouais. Je t'ai vu passer en dessous. Ça porte malheur, Mathieu. Tant qu'à ça anime le mercredi jeudi, c'était pour parler jusqu'à 10h15. J'ai un problème, j'arrête pas. Je peux pas m'arrêter. Pas capable d'arrêter, oh oui, pas capable d'arrêter, oh oui. Dernier mot. Sur l'île d'arrêter. Beaucoup trop. Ah. Beaucoup trop. Qu'est-ce que c'est? Hey, c'est nous! Cet hiver, les enjeux seront plus élevés que jamais. Les plus grands athlètes du monde, l'honneur du pays, le passage du flambeau. Oh, oh, on se calme avec le drame olympique. Olympique? Je pensais qu'on faisait un remake du film sur Terry Fox. Non, non, c'est juste le passage du flambeau de co-animateur. On va se partager l'animation d'Assemblage Rocky, toi et moi, avec Mathieu. Une chance que tu me dis ça, là. J'étais à ça de me couper la jambe pour faire plus réaliste. Cet hiver, Jean-Philippe Charbonneau et Stéphanie Paradis se partagent le studio avec Mathieu Plante. Écoutez-les à Assemblage Requis, du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, toujours en direct à partir de 7h30.